cigares sans filtre, buffet de fumée noire, buffet de la peau et les poumons poids, point pour si c'est soir de tabac, signal électronique ou congestion même, nos sommets du poumon, si nos cellules qui les font respirer, produit de la gangrène du poumon qui les consomme, mais surtout sur le visionnage. La vie fait le moi et les pratiques font l'enseignant. Mais l'habitude mou avait ben dû d'absence. Et l'enseignant chungait avec le temps, s'il pas à délabrer comme lit. Les pratiques évoluent ou disparaissent dans le passé. Cigare sans filtre, buffet de fumée noire, buffet de la peau, les poumons poids. Les cavaliers.